donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue pour cette émission Johnny de A à Z ici sur RG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison de Johnny de A à Z, la 494e émission ici sur l'antenne de RG. Et pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir, ou de redécouvrir tout ce qui s'est passé pendant la saison 2021-2022. Et pour tous ceux qui viennent juste d'arriver sur ce groupe Johnny de A à Z, qui écoutent pour la première fois cette émission, eh bien, vous allez entendre un peu tout ce que vous avez loupé. On va dire, en quelque sorte, ce soir, c'est presque un best-of de l'émission de l'année 2021-2022. On va retrouver pratiquement toutes les émissions, hein, les 29 émissions qu'il y a eu au cours de cette saison. Et il y aura de tout, il y aura du live, il y aura des invités aussi avec des interviews également, hein, comme du genre Jean-François Chenu ou à la rigueur Thibaut Geffrotin. Nous aurons Laurent Marsic également, nous aurons Xavier Perrault, nous avons aussi Sam Bernet qui viendront dans cette émission, ou du moins on mettra les extraits des émissions précédentes, tout pendant 2 heures, même je dirais plus de 2h30 d'émission. Tenez-vous bien, prenez du café pour suivre cette émission. Et si on commençait tout de suite cette émission avec l'émission 465, qui était la mission de la rentrée de Johnny de A à Z ici sur RIG, c'était le 1er septembre 2021, et c'était une rentrée live de 2 heures d'émission avec Johnny Hallyday de 1961 à 2000, sur scène, à la télévision et à la radio. Et je vous ai proposé en extrait, pour commencer cette émission, Valentine. Johnny chantait dans l'émission Palmarès de la chanson, il me semble, en 1967, avec Guy Lux. Elle avait de tout petits boutons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Quand on comptait, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petits petons, elle était frisée comme un mouton. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin et puis je lui pris la main. Je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits petons que je t'avais à carton. Un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits tétons, et je ne m'en rappelle plus du tout. Hey Johnny, Johnny, je vais te poser une question, Johnny. Je crois que dans une chanson de Chevalier, il y a à peu près 50 fois plus de mots que dans une chanson d'aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que Chevalier serait très vexé d'avoir entendu sa chanson. Oh, pas du tout, j'en suis, il était ravi quand tu m'as dit. Alors, étant donné que tu as

septembre, je vous présentais l'album de la semaine, Nous les gars, nous les filles, sorti le 1er février 1961 et le premier de 33 tours au format 30 cm de Johnny. Nous avions ce jour-là revisité les années Vogue en version originale et en version de 1982. Là, on va écouter le titre Nous les gars, nous les filles de 1961. Jeunes gens, hey, écoutez-moi, ah, la carte est commencée, lavez le doigt, mais ne vous pressez pas, réfléchissez. Je veux que vos réponses soient justes et bien tournées. Quand le monde fut créé, qui furent élus les premiers? Eh bien, comme nature pense à tout, mais favorisa surtout. Récréation pour vous, non, vous avez plus de 2 heures d'émission à y suivre ici sur l'antenne URIG. On fait la rétrospective de la saison 2021-2022 ici sur RIG. La semaine suivante, même 2 semaines plus tard, c'était le 29, même 3 semaines plus tard carrément, c'était le 29 septembre, je vous présentais l'album de la semaine Acte 2 qui était sorti le 10 septembre 2021 avec un extrait, voici J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures, et au moins je savais que t'étais pas bien loin. Oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Oh, j'aimerais qu'on puisse repartir à la guerre, même si je sais que chaque fois je la perds. Quand tu me désertais, la solitude me tuait, plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. Oh, j'aimerais t'entendre me dire que tu ne m'aimes pas, que tout ça va finir, que c'est foutu. Ouais, j'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait, et au moins mes yeux te verraient t'en aller. Oh, oh, oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures,

Je vous avais proposé une émission live avec une setlist non exhaustive de titres Johnny Hallyday ayant le plus gros écart d'année entre deux vies sur scène. Le cœur en deux pour l'occasion, chanté là à l'instant à Bercy en 2003, merci, n'avait vous jamais été chanté à la télévision, oui, en 1977, mais en playback, mais n'a jamais vécu sur scène. Et là, en 2003, cette chanson apparaissait enfin dans un tour de chant. Très longtemps. C'est une chanson que je n'avais jamais interprétée sur scène. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi de la chanter pendant cette tournée d'hiver pour vous. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Le 24 novembre, je vais vous présenter l'album de la semaine, Lettre Promise, cet album country rock avec des versions originales et un hommage à Michel Mallory, le parolier le plus prolifique de la carrière de Johnny Hallyday. Et avec ce titre, adapté de la chanson, je ne sais même plus, Here Comes My Baby, qui autrement dit, c'était Une fille sans importance. Here Comes Everybody's Baby, c'est ça. C'est une fille sans importance qui fait l'amour comme elle respire. Ouais, elle est hardie, veut bien l'apprendre et quelquefois elle est à moi. Son cœur. Décembre, je vous présentais une émission spéciale Michel Mallory avec ses 114 titres à son actif. Michel Mallory est le parolier qui a écrit le plus grand nombre de chansons pour John Hallyday, dont 44 reprises en direct et non en playback, soit sur scène, soit à la radio ou sur des plateaux de télévision. Le 8 décembre, je vais vous présenter la seconde partie de Johnny et ses concerts avec mon invité Jean-François Chenu. Et le 15 décembre, je vais vous présenter une émission spéciale avec Thibaut Geffrotin, l'auteur de Johnny par Jean-Philippe, ses plus belles interviews chez Talent Edition. Et juste après l'interview, l'extrait d'interview avec Thibaut Geffrotin, il y aura le titre « Un homme comme les autres ». Ton deuxième opus, Johnny par Jean-Philippe, sort en gros un an après ton premier livre, Johnny, une étoile dans les yeux. Quel retour as-tu sur ce premier livre? Et est-ce que cela t'a encouragé à faire ce second, justement? Oui, c'est clairement grâce aux fans de Johnny et aux lecteurs du premier que j'ai entrepris l'écriture du second. J'ai reçu énormément de messages dans les semaines et les mois qui ont suivi la sortie d'une étoile dans nos yeux, de fans qui m'ont dit qu'ils avaient adoré le livre parce que ça leur avait rappelé leur période de tournée, parce qu'ils avaient revu... Ils avaient revu des images de tournée en lisant des témoignages de fans qu'ils avaient connus ou de musiciens qu'ils avaient aimés ou de gens proches de la galaxie Johnny, de gardes du corps de l'époque où ils ont commencé à suivre Johnny, etc. Et donc beaucoup de fans m'ont dit tu devrais écrire le tome 2. Et donc moi je voulais pas écrire un livre dans la même tonalité parce que je trouve qu'un tome 2 c'est généralement décevant par rapport à tome 1. Donc j'ai voulu écrire un livre complètement différent, avec un angle qui n'avait vraiment strictement rien à voir. Et donc est venue l'idée d'écrire un livre sur ses plus belles interviews. Figure-toi, c'est Bob Dylan qui m'a donné l'idée, puisque j'étais avec ma femme dans une librairie à Nice. On flânait, on était en vacances, et donc on passe dans une librairie, on entre, on regarde les livres, et je sors ce livre de Bob Dylan, qui est un musicien que j'aime bien, sans être un spécialiste, sans connaître plus que ça son histoire. Et donc on regarde le livre, et on en discute, et elle me dit, tiens, c'est une bonne idée ça. Et on se dit, tiens, est-ce que ça a déjà été fait pour Johnny? Donc on vérifie, on voit que non, personne n'a jamais fait une compilation d'interviews de Johnny. Forcément, tout de suite, on se dit, mais il en a fait tellement des interviews Johnny qu'il y aura forcément de la matière. Et Océane, ma femme, qui est fan de Johnny aussi, hein, qui connaît très bien, elle me dit ça pourrait s'appeler Johnny par Jean-Philippe. Je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est un bon titre ça. Oui. Et du coup, on achète le livre de Dylan en se disant, on va le lire, et comme ça, si c'est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi sur Johnny. Quoi. Si ça nous intéresse, nous, alors qu'on n'est même pas des fans de Bob Dylan, c'est que ça a vraiment un intérêt. Et vraiment, je me suis plongé dans le truc de Bob Dylan et j'ai appris une somme de choses incroyables sur lui. C'était absolument captivant. Depuis, je ne vais pas dire que je suis devenu fan de Bob Dylan, mais en tout cas, je m'intéresse énormément à sa musique et son histoire et ses engagements et sa personnalité aussi un peu folle. Parce que lui aussi, il a plein d'histoires. Et donc c'est comme ça qu'est née cette idée, et ensuite j'en ai parlé à mon éditeur Emmanuel, qui a édité mon premier livre, qui a trouvé que c'était une bonne idée, et tout de suite il m'a dit écoute, vas-y, c'est parti. Et je me suis lancé. Alors avant l'écriture, évidemment, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai regardé toutes les interviews de Johnny qui existent et que j'ai pu trouver. Et est venu le passage difficile de la sélection, parce que c'est ça. La question, justement, voilà. Qu'est-ce que t'as dû écarter des tas d'interviews? Mais pourquoi as-tu les a écartés? Il y avait peut-être un sens moins important, ou chaque interview, est-ce qu'il y a un petit truc qui marque plus la personnalité de l'idole? Qu'est-ce qui fait que tu puisses sélectionner telle ou telle interview alors? J'ai voulu qu'il y ait à la fois des interviews mythiques, des interviews importantes, pour que par exemple quelqu'un qui ne soit pas un très grand fan de Johnny puisse absolument tout comprendre de son histoire, et à la fois qu'il y ait des interviews plus rares, et que un fan de Johnny, un collectionneur de Johnny, quelqu'un qui connaît tout, qui a vu Johnny 300 fois sur scène depuis 1970, lise mon livre et se dise, tiens, j'avais jamais lu ou j'avais jamais écouté cette interview. Donc ça, c'est le défi que je me suis donné. Et ensuite, évidemment, trouver des interviews où Johnny se lâche, où Johnny a la liberté de ton qu'on lui connaissait parfois. Oui. Évidemment, l'interview de Michel Lancelot en 1974, à bout portant, je sais que j'en ai parlé avec notre ami Jean-François Chenu, qui m'a dit que quand il avait lu mon livre, qu'il la connaît par cœur, cette interview. Il savait ce qu'il allait dire après. Mais c'est une super interview, parce que Johnny, on a l'impression qu'il parle à un copain. On a l'impression qu'il sait pas qu'il a enregistré quand il parle des femmes, par exemple, mais on a l'impression qu'il est chez lui en train de boire un verre avec son copain Michel Lancelot, alors que non, ça va passer à la télévision. Ce que j'aime chez les femmes, j'aime pas les femmes. J'aime les femmes qui aient des caractères de mecs. C'est intéressant, ça. Parce que Parce que j'aime bien avoir des rapports de... de copains. C'est-à-dire... sans chichi, sans... qui attendent avec une cigarette que tu lui donnes du feu, par exemple, toi, je veux dire. De toute façon, je le fais automatiquement. Mais la fille qui met la cigarette et qui attend que tu lui donnes du feu, ça m'énerve, toi, par exemple. Et j'aime bien les filles qui ont un caractère de mec. Là-bas, on s'amuse beaucoup mieux. Ton point de vue. Est-ce que tu aimes être un peu dominé? Par une femme? Oui. Je ne le ferai jamais. Je serais plutôt dominé par des mecs que par des femmes. Tu peux être dominé par des garçons? Par un ami? Oui. Est-ce qu'il pourrait te dominer? Attention, j'ai le respect pour la femme. Hein. Je n'ai pas dit que j'avais pas de respect. Mais disons que pour moi, une femme, ça compte moins qu'un ami. Moi, avec une femme, j'aime bien faire l'amour, tu vois, mais ça se bande là. Tu ne lui attribues pas d'autre rôle que celui-là, en fait. Et toi? Écoute, c'est pas mon interview, c'est la tienne. Alors ne commence pas à retourner les questions, je connais la technique. Non, tu vois, il y a des filles que j'aime bien, tu vois. Oui, dis-moi avec tout, qui allez, je suis, avec qui, non, avec qui je suis ami, avec qui je n'ai jamais rien eu. Et ça vaut mieux, parce qu'en général, quand j'ai eu quelque chose avec une fille, après c'est fini, je ne peux plus être ami. Ah bon? Non, je peux pas. Je penserai toujours à quelque chose qu'il ne faut pas. Au mur, je ne suis pas ce garçon-là que l'on défigure. Je ne suis pas ce Superman pour des aventures de cinéma. Oh, j'ai moi aussi envie de vivre libre au soleil. Dans le ciel, les stars, les vrais et leurs secrets, oh, me font rêver, me font chanter. Rien, je ne suis rien qu'un homme comme les autres hommes qui cherchent. Chaque jour, ma seule nourriture, mon seul recours, c'est ma seule âme et ma seule armure, l'amour de vrai et ses secrets me font rêver. Décembre 2021, je vous présente une petite rétrospective de l'année 2021 et l'année suivante, nous sommes le 5 janvier 2022. On faisait un hommage à Robin Le Mesurier. De 1997 à 2017, Robin a fait vibrer les cordes de sa Fender pour notre plus grand plaisir auprès de Johnny Hallyday. Il nous avait quitté donc le 22 décembre 2021 et on avait dit merci l'artiste, chapeau l'artiste. Pour le coup, je vous propose d'écouter Fool for the Blues, le titre que un des titres que Robin Le Mesurier avait composé pour Johnny Hallyday. En live, à l'Astigale en 1994. Inside us all.

Mais tu les imites tous comme ça, Jean-Jacques, régulièrement? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Bah, c'est un bonjour, alors. C'est un bonjour. Chanson suivante. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Compositeur préféré, c'est Georges Brassens. Une chanson que j'ai chantée quand j'étais plus jeune. Et j'ai d'ailleurs commencé, avant de chanter du rock'n'roll, par chanter du Brassens, c'était Le Petit Cheval Blanc. Il pleuvait... Non, pardon, c'est le parapluie. Et voici, après le parapluie, le cheval blanc. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant à l'eau, à sa rescousse, je lui propose un peu d'appui. En séchant l'eau de sa primousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie, un bon paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie, je ne perdais pas de chance mardi. C'était le parcours superbe de Johnny Hallyday. Quelques années plus tard, Johnny reprenait dans ses concerts « Ne me quitte pas sur ma vie » et maintenant « Le parapluie », non, il ne l'a jamais chanté sur scène. En janvier, le 19 janvier, je vous présentais l'album de la semaine « Salut les copains » avec aussi quelques versions originales. On faisait un petit retour dans les années 60. On va écouter deux titres « Tu peux l'apprendre » et ainsi que la version originale « You can have her ». Je la questionne, je lui pardonne, mais c'est en vain, je la dévisage, sur son visage, je vois l'image de mon déclin. Oui, tu peux l'apprendre, tant plus attendre, je dois comprendre que c'est la vie, tourner la page, je la visage, après l'orage, tout est fini. Mais qu'elle comprenne qu'avec ma peine, puisque je l'aime, rien n'est plus fort. Si elle veut m'apprendre de sa voix tendre, sottise. Oublie tout ça, oh oui. Et si elle veut me comprendre, et qu'elle revienne, et qu'elle me prenne entre ses bras. Voici la version de Roy Hamilton, la version originale, You Can Have Her. Well, you can have her. I don't want her. She didn't love me anyway. She only wanted someone to play with. But all I wanted was love to stay. Well, if you get the wrong woman, there's only one thing that you can do. Just dig a hole and jump right in it and pull the ground right over you. Girl I love, she up and left me. She ran away with my best friend. Comes home at night just for 1 hour. When daylight comes, she's gone again. Without love is mighty empty, but confession's good for the soul. I'd rather have love that I can cling to than have the world and all of its gold. Le 2 février, je vais vous présenter donc un live, le live spécial live tournée 69-70. Je vais vous proposer l'intégralité du concert inédit de Cambrai de 70, extrait du livre disque Vie sorti le 28 janvier, et aussi quelques extraits de Port-Bacaré 69 et de Québec 70. Avec en extrait, aujourd'hui, je vous propose d'écouter Jésus-Christ, bien sûr, le titre qu'on attendait toutes et tous. S'il existe encore aujourd'hui, aux États-Unis, il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des caves. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus qui est taïpé. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et cheveux

version complète du monde va sauter, le monde entier va sauter avec la guitare de Rolling, bien entendu. Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de RIG et dans l'émission Johnny DAZ, je vous présente la dernière émission de la saison 2021 et 2022 et on se retrouvera d'ici le 7 septembre 2022. Là, aujourd'hui, je vous propose donc une petite rétrospective de toute la saison et nous en sommes donc au 23 février 2022. Je vous ai proposé une émission avec l'album de la semaine La Peur qui était sorti le 7 septembre 1982, le 30e album de Johnny Hallyday et le 4e album produit par Pierre Billon. Et en extrait, je vous propose Ma Voix de Révolté. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live, on le retrouve à l'Olympia en 1973. C'était lors d'une émission 100% live, live des années 70, de 1970 donc à 1979. Voici le Musicorama Olympia du 20 juin 1973. Attends, j'attends toujours. pensé qu'il était déjà trop tard. Mais Johnny s'est volé. Quand pour rien, car tout change et tout casse, et tout casse, et tout casse. Le désir, le plaisir, se diminue. Tout change, tout casse, tout passe, tout lasse. Le désir, le plaisir, se diluent dans l'espace. Je n'y suis pour rien, en voyant. Maintenant, maintenant, tapez dans vos mains. À peu près plus d'une heure d'émission encore à écouter pour cette dernière émission de la saison 2021-2022. Nous en sommes à présent au 16 mars à l'émission 484. Je vais vous proposer l'intégralité de l'album de la semaine, L'Idole des Jeunes, le 33 tours 25 cm, 8 titres, L'Idole des Jeunes, sorti le 29 avril 1963, ainsi que toutes les versions originales adaptées pour cet album-là. On va écouter deux extraits, donc L'Idole des Jeunes, la version de Johnny Hallyday, et la version originale chantée par Ricky Nelson, Teenage Idol.

Oui, que toi et moi, on tombe amoureux. À qui aurait dit ça? À qui aurait dit ça? Oui, que toi et moi, on en arrive là. Qui aurait dit ça? Oh yeah! Il y a 6 mois, on était tous deux. Ouais, vraiment à son lieu. De cette idée-là, qui aurait dit ça? Oh yeah! Qui aurait dit ça? Oh yeah! À tous nos amis, n'en reviennent pas. À quand on leur dit ça? Quand on leur dit ça? Oui, les mots d'amour, à nous on prenait ça pour du cinéma. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah! Et puis voilà qu'on n'en a plus ri. Ouais! Qu'on se les ait dit. Et puis qu'on y croit. Qui aurait dit ça? Oh, oh, oh, yeah! Qui aurait dit ça? Ouais! Qui aurait dit ça? Let's go! Mais comme ça, oh oh oh oh oh yeah, nous les premiers, on est étonnés, mais c'est merveillé d'être heureux comme ça, hein, qui aurait dit ça? Voici la version originale, celle de Ray Charles. Nobody but you. Oh, baby. Who is my friend now? When all friends are gone. Who always defend me if I'm right or wrong now? Nobody but you. Oh, baby. Now. Nobody but you. I do mean you, yeah. Who is the soul now in my bread? Nobody but you, yeah. I do mean you, yeah. The sun in my bread, nobody but you. Oh, baby. With the sun in my bread, with the doctor on my sick bed, nobody but you. Oh, baby, yeah, nobody but you. I'm doing you, yeah. You, yeah, baby, nobody. you. I do mean you, yeah. Who is the sugar in my tea? Nobody but you, yeah. I do mean you, yeah. Who is the sugar in my tea? Nobody but you. In my tea, when I'm in trouble, who sees about me? Nobody but you. Nobody but you. I do mean you, yeah. I'm gonna talk. I'm gonna talk about. I'm gonna talk. I'm gonna talk about. Don't tell my sister. Don't tell my brother. Don't tell my father. Don't tell my mother. All about you. You know on Monday I'm gonna talk about, and you know Wednesday I'm gonna talk about, and I know Thursday I'm gonna talk about, and all day Friday I'm gonna talk about, I'm gonna talk about. I know I'm gonna talk about all about you. I'm gonna talk about all about you. I said, I know I'm gonna talk about all about you. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Entre Johnny Hallyday en 2013 au Théâtre de Paris. Avec ce titre de extrait album de Labo Bandeau, Rivière Breton Lee, voici le titre Réclamation. Hey, appelez-moi le chef de Réor. Dites-tu que je suis pas d'accord? Je n'en veux pas. Ce genre de cadeau, c'est bon pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang. Ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je acclamation, c'était à l'occasion d'une émission spéciale live des années 2010 et nous suivions Johnny Hallyday sur les scènes françaises, suisses, belges et sur les plateaux de télévision, d'où l'extrait Réclamation sorti en 2013 au Théâtre de Paris, donc dans la nuit du 15 au 16 juin. Émission suivante, c'était le 24 avril, l'émission 487, et pendant deux heures, on retrouvait les duos de Johnny avec Jean-Jacques Goldman, la tournée 87-88, et les tubes de l'album de la semaine de 86, Gang. On retrouve Johnny Hallyday, c'était lors de la nouvelle affiche, en janvier 1987, avec ce titre, Dans mes nuits, on oublie. Alors moi, je voudrais qu'on accueille monsieur Johnny Hallyday. C'est une sélection live donnée par Johnny Hallyday au cours de ses shows parisiennes dans les années 60. Je vous propose d'écouter un extrait de l'Olympia 1967 avec « Je me suis lavé les mains dans une eau sale ». dans une ville. En enfer, fut en prison. Je me souviens quand il disait oh, oh, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses les dents des chiens sur ton dos. Et mon fils peut te trouver oh, oh, le rang de honte entre quatre murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. J'ai essayé de travailler. J'étais même un ouvrier. Mais la fille pour qui je vivais ne se contentait plus d'un ouvrier. Un matin, au ciel trop lourd, accompagné de favoriens, nous avons fait un coup pour rien. Les postes et le devis, nous avons couru. Hey, j'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière. Le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. Hey! Les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière. Entre le crime et la misère. J'entends les chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. Dans le prix des chiens qui courent dans mon dos. Le 18 mai, émission 489, c'était ma fête, là, c'est la Saint-Éric, le 18 mai, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez à nouveau. Et donc je vous avais concocté un petit classement personnel de mes 30 titres préférés de Johnny Hallyday, un classement qui avait été effectué en juillet 2021, donc derrière il y a près d'un an, pour l'émission de Francis Chaillet et de Jean-François Chenu, podcast 51, et j'avais fait un classement de la 30e à la première position. Et ce n'est pas la première position qu'on va écouter, ce sera, je crois, c'était la 10e place. On retrouvait le titre « Revoilà ma solitude », extrait de l'album Solitude à deux. Qu'est-ce qu'il m'arrive, mon cœur s'en va à la dérive, noyé qui traîne encore. Revoilà ma solitude. Et c'est l'hiver, même en plein été, dans mes nuits et dans ma vie. Comme une maladie ou comme un grand froid au fond de mon cœur. attend déjà, elle est presque là. Revoilà ma solitude. Que ça, et là, voilà. Tu vas défaire tes cheveux, rien que pour lui. Tu vas lui dire du même mot qu'à moi. Vous allez faire l'amour et puis tu verras bien dans ton oubli. Je te dois. Ma solitude, et je t'aime encore. On arrive au mois de juin et le mois de juin, j'ai proposé en gros que des émissions en live. D'où la première, celle du 1er juin, je vous avais proposé l'émission Live Intro. On revivait pratiquement tous les titres d'ouverture des spectacles de Johnny Hallyday de 1960 à 2016. Et voici en extrait de cette émission le show de Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1971 et ce titre « Je suis né dans la rue ». Vous écoutez toujours Johnny de A à Z ici sur RIG. Le mercredi, en principe, de 22h jusqu'à minuit. Mais là, ce soir, c'est la dernière émission de la saison 2021-2022. Avec ce petit, cette petite rétrospective de la saison. En gros, un petit best-of de tout ce que vous avez pu vivre ou peut-être manquer. Je suis dans la rue, dans la rue. Maintenant.

que tu fais, tu le payeras. Un titre inédit sorti donc sur ce Johnny Circus 1972, émission 492. Le 15 juin, je vous présentais les Live Outro. On revivait pratiquement tous les titres de clôture des spectacles de Johnny Hallyday de 1960 à 2016. Je vous proposais le titre là, maintenant, du Parc des Princes 2003. C'était M'arrêter là. Un jour ou l'autre, m'arrêter là, trouver les mots, trouver l'endroit, prendre le temps d'être avec toi, seul et autant que tu le voudras, et comme jamais. Jamais ouvrir les yeux, revivre après, mourir un peu, dire je voudrais, je voudrais. je veux et je m'en vais pour je m'en veux m'arrêter. Encore une vie, encore une fois, et comprendre aussi ce que tu vois, ce que tu vivais contre moi, et comme jamais, jamais ouvrir les yeux, revivre après. Mourir un peu, dire je voudrais pour dire je veux et je m'en vais pour je m'en veux m'arrêter. Merci. À présent, on va parler de l'émission de la semaine dernière, l'émission 493. C'était à l'occasion de la sortie du 22 au 22 juin 2022 du film Elvis Presley, du moins Elvis tout court, réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks. Donc quoi de mieux que de vous proposer une émission 100% live avec ces deux idoles, Elvis Presley et Johnny Hallyday. Les titres que je vais vous proposer, il y en aura 4, 2 Elvis et 2 Johnny Hallyday, The Impossible Dream, La Quête, Punk Saladani, version film, hein, film remix, et aussi nous aurions l'envie de l'Olympia 2000. Voici tout de suite la version de Elvis Presley, The Impossible Dream. We'd like to do our version of Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, or to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach unreachable stars. The right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. Covered with stars, still strolls.